Chapitre 28 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. Essai par Michel Ekem de Montaigne, livre 1. Chapitre 28, 29 sonnets d'Étienne de la Boétie. À Madame de Gramont, comtesse de Guissin. Madame, je ne vous offre rien du mien, ou parce qu'il est déjà vôtre, ou pour ce que je n'y trouve rien digne de vous. Mais j'ai voulu que ces vers, en quelque lieu qu'ils se vissent, portassent votre nom en tête, pour l'honneur que ce leur sera d'avoir pour guide cette grande corisande d'Andouin. Ce présent m'a semblé vous être propre, d'autant qu'il est peu de dames en France qui jugent mieux et se servent plus à propos que vous de la poésie. Et puis, qu'il n'en est point qui la puisse rendre vive et animée, comme vous faites par ces beaux et riches accords, de quoi, parmi un million d'autres beautés, nature vous a étreiné. Madame, ces vers méritent que vous les chérissiez, car vous serez de mon avis qu'il n'en est point sorti de Gascogne qui eusse plus d'invention et de gentillesse, et qui témoigne être sorti d'une plus riche main. Et n'entrez pas en jalousie, de quoi vous n'avez que le reste de ce que Piessage en est fait imprimer sous le nom de Monsieur de Foix, votre bon parent. Car certes, ceux-ci ont je ne sais quoi de plus vif et de plus bouillant, comme il les fit dans sa plus verte jeunesse, et échauffés d'une belle et noble ardeur que je vous dirai, madame, un jour à l'oreille. Les autres furent faits depuis, comme il était à la poursuite de son mariage, en faveur de sa femme, et sentant déjà je ne sais quelle froideur maritale. Et moi, je suis de ceux qui tiennent que la poésie ne rit point ailleurs, comme elle fait en un sujet folâtre et déréglé. Sonnet 1. Pardon, amour, pardon, ô Seigneur, je te voue, le reste de mes ans, ma voix et mes écrits, mes sanglots, mes soupirs, mes larmes et mes cris, rien, rien tenir d'aucun que de toi, je n'avoue. Hélas, comment de moi ma fortune se joue? De toi n'a pas longtemps, amour, je me suis ri. J'ai failli, je le vois, je me rends, je suis pris. J'ai trop gardé mon cœur, or je le désavoue. Si j'ai pour le garder retardé ta victoire, ne l'en traite plus mal, plus grande en est ta gloire. Et si du premier coup tu ne m'as abattu, pense qu'un bon vainqueur est né pour être grand. Son nouveau prisonnier, quand un coup il se rend, il prise et l'aime mieux s'il a bien combattu. 2. Cet amour, c'est lui seul, je le sens. Mais le plus vif amour, la poison la plus forte. À quionque pauvre cœur est ouverte la porte. Ce cruel n'a pas mis un de ses traits perçants, mes arcs, traits et carquois, et lui tout dans mes sens. Encore un mois n'a pas que ma franchise est morte, que ce vénin mortel dans mes veines je porte, et déjà j'ai perdu et le cœur et le sens. Et quoi, si cet amour à mesure croissait, qui en si grand tourment dedans moi se conçoit? Oh, crois si tu peux croître, et amende en croissant. Tu te nourris de pleurs, des pleurs je te promets, et pour te rafraîchir des soupirs pour jamais, mais que le plus grand mal soit au moins en naissant. 3. C'est fait, mon cœur, quittons la liberté. De quoi mes huit serviraient la défense, que d'agrandir et la peine et l'offense. Plus ne suis fort, ainsi que j'ai été. La raison fut un temps de mon côté, or révoltée, elle veut que je pense qu'il faut servir et prendre en récompense, conque d'un tel nœud nul ne fut arrêté. S'il faut se rendre, alors il l'est saison, quand on n'a plus de vers soi la raison. Je vois qu'amour, sans que je le déserve, sans aucun droit, se vient saisir de moi, et vois qu'encore, il faut à ce grand roi, quand il a tort, que la raison lui serve. 4. C'était alors, quand les chaleurs passaient, le sale automne aux cuves va foulant, le raisin gras dessous le pied coulant, que mes douleurs furent en commencées. Le paysan bat ses gerbes amassées, et au caveau ses bouillants muits roulant, et des fruitiers, son automne croulant, se venge lors des peines avancées. Serait-ce point un présage donné, que mon espoir est déjà moissonné? Non, certes non, mais pour certains, je pense, j'aurai, si bien à deviner j'entends, si l'on peut rien pronostiquer du temps, quelques grands fruits de ma longue espérance. 5. J'ai vu ses yeux perçants, j'ai vu sa face claire, nul jamais sans son dame ne regarde les dieux. Froid, sans cœur me laissa son œil victorieux, tout étourdi du coup de sa forte lumière. Comme un surpris de nuit au champ quand il t'éclaire, étonné, se pâlit si la flèche des cieux, sifflant lui passe contre et lui serre les yeux. Il tremble et voit transi Jupiter en colère. Dis-moi, madame, au vrai, dis-moi si tes yeux verts ne sont pas ceux qu'on dit que l'amour tient couverts. Tu les avais, je crois, la fois que je t'ai vue. Au moins, il me souvient qu'il me fut lors ravi qu'amour tout à un coup, quand premier je te vis, débanda dessus moi et son arc et sa vue. 6. Se dit maint' un de moi, de quoi se plaint-il tant, perdant ses ans meilleurs en choses si légères? Qu'a-t-il tant à crier si encore il espère? Et s'il n'espère rien, pourquoi n'est-il content? Quand j'étais libre et sain, j'en disais bien autant, mais certes celui-là n'a la raison entière. Un, ça le cœur gâté de quelque rigueur fière, s'il se plaint de ma plainte et mon mal il n'entend. Amour, tout à un coup, de cent douleurs me poing. Et puis l'on m'avertit que je ne crie point. Si vain je ne suis pas que mon mal j'agrandisse, à force de parler, sans m'en peut exempter, je quitte les sonnets, je quitte le chanter. Qui me défend le deuil, celui-là me guérisse. 7. Quand à chanter ton los, parfois je m'aventure, sans oser ton grand nom dans mes vers exprimés, sondant le moins profond de cette large mer, je tremble de m'y perdre et aux rives m'assure. Je crains, en louant mal, que je te fasse injure. Mais le peuple étonné d'ouïr tant estimé, ardent de te connaître, essaye à te nommer, et cherchant ton saint nom, ainsi est l'aventure, ébloui, n'atteint pas à voir chose si claire, et ne te trouve point ce grossier populaire, qui n'ayant qu'un moyen, ne voit pas celui-là. C'est que s'il peut trier la comparaison faite, des parfaites du monde, une la plus parfaite, lors s'il la voit, qu'il crie hardiment, la voilà. 8. Quand viendra ce jour-là, que ton nom au vrai passe, par France dans mes vers, combien et quantes fois, s'en empresse mon cœur, s'en démange mes doigts, souvent dans mes écrits, de soi-même il prend place. Maugré-moi, je t'écris, maugré-moi, je t'efface. Quand astrée viendrait, et la foi, et le droit, alors joyeux, ton nom au monde se rendrait. Or, c'est à ce temps que cacher il te fasse. C'est à ce temps malin une grande vergogne. Donc, madame, tandis, tu seras ma Dordogne. Toutefois, laisse-moi ton nom maître. Aie pitié du temps, si au jour je te mets, si le temps se connaît, l'or, je te le promets, l'or il sera doré, s'il le doit jamais être. 9. Oh, entre tes beautés, que ta constance est belle! C'est ce cœur assuré, ce courage constant, c'est, parmi tes vertus, ce que l'on prise tant. Aussi, qui l'est plus beau qu'une amitié fidèle? Or, ne charge donc rien de ta sœur infidèle. De Vézère ta sœur, elle va s'écartant, toujours flottant mal sûr en son cours inconstant. Vois-tu comme à leur gré les vents se jouent d'elle? Et ne te repens point pour droit de son aînage, d'avoir déjà choisi la constance en partage. Même race porta l'amitié souveraine des bons jumeaux, desquels l'un à l'autre départ, du ciel et de l'enfer la moitié de sa part, et l'amour diffamé de la trop belle Hélène. 10. Je vois bien, ma Dordogne, encore humble tu vas. De te nommer Gasconne en France, tu as honte. Si du ruisseau de Sorgue on fait tort grand compte, si a-il bien été quelquefois aussi bas? Vois-tu le petit Loir comme il hâte le pas? Comme déjà parmi les plus grands il se compte? Comme il marche hautain d'une course plus prompte? Tout à côté du mince, et il ne s'en plaint pas. Un seul olivier d'Arne, hanté au bord de Loire, le fait courir plus brave et lui donne sa gloire. Laisse, laisse-moi faire, et un jour, ma Dordogne, si je devine bien, on te connaîtra mieux. Et Garonne, et le Rhône, et ces autres grands dieux en auront quelque envie et possible vergogne. 11. Toi qui ouïs mes soupirs, ne me sois rigoureux, si mes larmes à part toutes miennes je verse. Si mon amour ne suit, en sa douleur diverse, du Florentin transi les regrets langoureux. Ni de Catulle aussi le folâtre amoureux, qui le cœur de sa dame en chatouillant lui perce, ni le savant amour du migrégeois properce. Ils n'aiment pas pour moi, je n'aime pas pour eux. Qui pourra sur autrui ses douleurs limiter, celui pourra d'autrui les plaintes imiter. Chacun sent son tourment, et sait ce qu'il endure. Chacun parla d'amour ainsi qu'il l'entendit. Je dis ce que mon cœur, ce que mon mal me dit, que celui aime peu qui aime à la mesure. 12. Quoi qu'est-ce, ô vent, ô nue, ô l'orage! À point nommé, quand d'elle m'approchant, les bois, les monts, les baisses voient tranchant, sur moi, d'aguets, vous poussez votre rage. Or, mon cœur s'embrase davantage. Allez, allez faire peur aux marchands, qui dans la mer les trésors va cherchant. Ce n'est ainsi qu'on m'abat le courage. Quand jouis les vents, leurs tempêtes et leurs cris, de leur malice en mon cœur je me ris. Me pense-t-il pour cela faire rendre? Fasse le ciel du pire et l'air aussi. Je veux, et le déclare ainsi, s'il faut mourir, mourir comme Léandre. 13. Vous qui aimez, encore ne savez, or m'oyant parler de mon Léandre, où jamais non vous y devez apprendre, si rien de bon dans le cœur vous avez. Il osa bien, branlant ses bras lavés, armé d'amour contre l'eau, se défendre, qui pour tribut la fille voulut prendre, ayant le frère et le mouton sauvé. Un soir vaincu par les flots rigoureux, voyant déjà ce vaillant amoureux, que l'eau maîtresse à son plaisir le tourne, parlant aux flots, leur jeta cette voix. Pardonnez-moi maintenant que j'y vois, et gardez-moi la mort quand je retourne. 14. Ô cœur léger, ô courage mal sûr, penses-tu plus que souffrir je te puisse? Ô bonté creuse, ô couverte malice, traître beauté, venimeuse douceur. Tu étais donc toujours sœur de ta sœur? Et moi, trop simple, il fallait que j'en fisse, laissé sur moi, et que tard j'entendisse ton parler double et tes chants de chasseur? Depuis le jour que j'ai pris à t'aimer, j'eusse vaincu les vagues de la mer. Qu'est-ce mes huit que je pourrais attendre? Comment de toi pourrais-je être content? Qui apprendra ton cœur d'être constant, puisque le mien ne le lui peut apprendre? 15. Ce n'est pas moi que l'on abuse ainsi, qu'à quelque enfant ses ruses on emploie, qui n'a nul goût, qui n'entend rien qui l'oie. Je sais aimer, je sais haïr aussi. Contente-toi de m'avoir jusqu'ici, fermé les yeux, il est temps que j'y voie, et que mes huit, las et honteux, je soye, d'avoir mal mis mon temps et mon souci. Oserais-tu, m'ayant ainsi traité, parler à moi jamais de fermeté? Tu prends plaisir à ma douleur extrême. Tu me défends de sentir mon tourment, et si tu veux bien que je meure en t'aimant, si je ne sens, comment veux-tu que j'aime? 16. Oh, l'ai-je dit? Hélas, l'ai-je songé? Ou si pour vrai j'ai dit blasphème tel? Sa fausse langue, il faut que l'honneur d'elle, de moi, par moi, dessus moi, soit vengé. Mon cœur, chez toi, ô madame, est logé. Là, donne-lui quelque gêne nouvelle. Fais-lui souffrir quelque peine cruelle. Fais-lui tout, force lui donner congé. Or seras-tu, je le sais, trop humaine, et ne pourras longuement voir ma peine? Mais un tel fait, faut-il qu'il se pardonne? À tout le moins, oh, je me dédirai de m'essonner et me démentirai. Pour ces deux faux, 500 vrais, je t'en donne. 17. Si ma raison en moi s'est peu remettre, si recouvrer à cette heure je me puis, si j'ai du sens, si plus homme je suis, je t'en remercie, ô bienheureuse lettre. Qui m'eût, hélas, qui m'eût su reconnaître, lorsqu'enragé, vaincu de mes ennuis, en blasphémant, madame, je poursuis. De loin, honteux, je te vis leur paraître. Ô saint papier, alors je me revins, et de vers toi dévotement je vins. Je te donnerais un autel pour ce fait. Convie les traits de cette main divine. Mais de les voir, aucun homme n'est digne, ni moi aussi, celle ne m'en eût fait. 18. J'étais prêt d'en courir pour jamais quelque blâme. De colère échauffée, mon courage brûlait. Ma folle voix, au gré de ma fureur, branlait. Je dépitais les dieux, et encore madame. Lorsqu'elle de loin jette un brevet dans ma flamme, je le sentis soudain comme il me rhabillait. Qu'aussitôt devant lui ma faveur s'en allait, qu'il me rendait, vainqueur, en sa place mon âme. Entre vous, qui de moi ces merveilles voyez? Que me dites-vous d'elle? Et je vous prie, voyez, ainsi comme je fais, adorée je la dois. Quels miracles en moi pensez-vous qu'elle fasse, de son œil tout-puissant ou d'un ray de sa face? Puisqu'en moi firent tant les traces de ses doigts. 19. Je tremblais devant elle et attendais transi, pour venger mon forfait, quelque juste sentence, à moi-même consent du poids de mon offense, lorsqu'elle me dit « Va, je te prends à merci ». Que mon los désormais partout soit éclairci, employe là tes ans, et sans plus mes huit penses, d'enrichir de mon nom par tes vers notre France. Couvre de vers ta faute, et paye-moi ainsi. Suce donc ma plume, il faut, pour jouir de ma peine, courir par sa grandeur d'une plus large veine, mais regarde à son œil qu'il ne nous abandonne. Sans ses yeux, nos esprits se mourraient languissants. Il nous donne le cœur, il nous donne le sang. Pour se payer de moi, il faut qu'elle me donne. 20. Ô vous, maudissonnez, vous qui prîtes l'audace de toucher à madame, ô malins et pervers, des muses le reproche et honte de mes vers. Si je vous fis jamais, s'il faut que je me fasse ce tort de confesser, vous tenir de ma race, lors pour vous les ruisseaux ne furent pas ouverts d'Apollon le doré, des muses aux yeux verts. Mais vous reçus naissant Tisiphone en leur place. Si j'ai honte quelque part à la postérité, je veux que l'un et l'autre en soient déshérités. Et si au feu vengeur dès or je ne vous donne, c'est pour vous diffamer. Vivez, chétif, vivez, vivez aux yeux de tous, de tout honneur privé, car c'est pour vous punir, corps, je vous pardonne. 21. N'ayez plus, mes amis, n'ayez plus cette envie, que je cesse d'aimer, laissez-moi, obstiné, vivre et mourir ainsi, puisqu'il est ordonné. Mon amour, c'est le fil auquel se tient ma vie. Ainsi me dit la fée, ainsi, en est agrie, elle fit Méléagre à l'amour destiné, elle alluma sa souche à l'heure qu'il fut né, et dit « Toi et ce feu, tenez-vous compagnie !» Elle le dit ainsi, et la fin ordonnée, suivit après le fil de cette destinée. La souche, se dit l'on, au feu fut consommée. Et dès lors, grand miracle, en un même moment, on vit tout à un coup, du misérable amant, la vie et le tison s'en aller en fumée. 22. Quand tes yeux conquérants, étonnés, je regarde, j'y vois dedans à clair tout mon espoir écrit. J'y vois dedans amour lui-même qui me rit, et m'y montre mignard le bonheur qu'il me garde. Mais quand de te parler, parfois je me hasarde, c'est lors que mon espoir desséché se tarit, et d'avouer jamais ton œil qui me nourrit, d'un seul mot de faveur cruel tu n'agardes. Si tes yeux sont pour moi, or vois ce que je dis, ce sont ceux-là, sans plus, à qui je me rendis. Mon Dieu, quelle querelle en toi-même se dresse, si ta bouche et tes yeux se veulent démentir! Mieux vaut, mon doux tourment, mieux vaut les départir, et que je prenne au mot de tes yeux la promesse. 23. Ce sont tes yeux tranchants qui me font le courage. Je vois sauter dedans la gaie liberté, et mon petit archer qui mène à son côté la belle gaillardise et le plaisir volage. Mais après, la rigueur de ton triste langage me montre dans ton cœur la fière honnêteté, et condamné, je vois la dure chasteté, là gravement assise, et la vertu sauvage. Ainsi mon temps d'hiver par ces vagues se passe. Or son œil m'appelle, or sa bouche me chasse. Hélas, en cette estrife, combien ai-je enduré? Et puis, qu'on pense avoir d'amour quelque assurance. Sans cesse nuit et jour à la servir je pense, ni encore de mon mal ne puis être assuré. 24. Or, dis-je bien, mon espérance est morte. Or est ce fait de mon aise et mon bien. Mon mal est clair. Maintenant, je vois bien, j'ai épousé la douleur que je porte. Tout me coursus, rien ne me réconforte. Tout m'abandonne, et d'elle je n'ai rien, sinon toujours quelque nouveau soutien qui rend ma peine et ma douleur plus forte. Ce que j'attends, c'est un jour d'obtenir quelques soupirs des gens de l'avenir. Quelqu'un dira dessus moi par pitié, sa dame et lui naquirent destinés, également de mourir obstinés, l'un en rigueur et l'autre en amitié. 25. J'ai tant vécu chétif en ma langueur, corps j'ai vu rompre et suis encore en vie. Mon espérance avant mes yeux ravie contre l'écueil de sa fière rigueur. Que m'a servi de tendant la longueur? Elle n'est pas de ma peine assouvie. Elle s'en rit et n'a point d'autre envie que de tenir mon mal en sa vigueur. Donc j'aurai, malheureuse en aimant, toujours un cœur, toujours nouveau tourment. Je me sens bien que j'en suis hors d'haleine, prête à laisser la vie sous le fait. Qu'y ferait-on sinon ce que je fais? Piqué du mal, je m'obstine en ma peine. 26. Puisqu'ainsi sont mes dures destinées, j'en saoulerai, si je puis, mon souci. Si j'ai du mal, elle le veut aussi. J'accomplirai mes peines ordonnées. Nymphe des bois, qui avez étonné de mes douleurs, je crois, quelque merci, qu'en pensez-vous? Puis-je durer ainsi, si à mes maux trêves ne sont données? Or si quelqu'une à m'écouter s'incline, oyez pour Dieu ce corps je devine. Le jour est près que mes forces javaines ne pourront plus fournir à mon tourment. C'est mon espoir. Si je meurs en aimant, ah donc, je crois, faillirai-je à mes peines. 27. Lorsque lassé de me lasser ma peine, amour, d'un bien mon mal rafraîchissant, flatte au cœur mort ma plaie languissant, nourrit mon mal et lui fait prendre haleine. Lors je conçois quelque espérance vaine, mais aussitôt ce dur tyran, s'il sent que mon espoir se renforce en croissant, pour l'étouffer sans tourments il m'amène. Encore tout frais, lors je me vois blâmant d'avoir été rebelle à mon tourment. Vive le mal, ô Dieu, qui me dévore! Vive à son gré mon tourment rigoureux! Ô bienheureux, et bienheureux encore, qui sans relâche est toujours malheureux! 28. Si contre amour je n'ai autre défense, je m'en plaindrai, mes vers le maudiront, et après moi les roches rediront le tort qu'il fait à ma dure constance. Puisque de lui j'endure cette offense, au moins tout haut mes rites me le diront, et mes neveux, alors qu'ils me liront, en l'outrageant, m'en feront la vengeance. Ayant perdu tout l'aise que j'avais, ce sera peu que de perdre ma voix. Son c'est l'aigreur de mon triste souci, et fut celui qui m'a fait cette plaie, il en aura, pour si dur cœur qu'il aille, quelque pitié, mais non pas de merci. 29. J'ai reluisé la benoîte journée, que la nature au monde te devait. Quand des trésors qu'elle te réservait, sa grande clé te fut abandonnée. Tu pris la grâce à toi seule ordonnée, tu pillas tant de beauté qu'elle avait, tant qu'elle fière, alors qu'elle te voit, en est parfois elle-même étonnée. Ta main de prendre enfin se contenta, mais la nature encore te présenta pour t'enrichir cette terre où nous sommes. Tu n'en pris rien, mais en toi tu t'en ris, te sentant bien d'en avoir assez pris, pour être ici reine du cœur des hommes. Fin du chapitre 28.